السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، nous se réunis ce soir pour parler بإذن الله تعالى des jours qui vont venir prochainement, des jours qui sont les meilleurs jours de l'année. Ayamun azima, des jours immenses et des jours très méritoires. Une occasion immense pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ces jours sont les 10 premiers jours du mois de Dhul-Hijjah. Dhul-Hijjah, qui est le dernier mois de l'année hégirienne, un des 4 mois sacrés de l'année, et le dernier selon le calendrier égyrien. Le mois de Dhul-Hijjah a été appelé ainsi car les gens accomplissent le Hajj durant celui-ci. Ils accomplissent le pèlerinage. Le mois de Dhul-Hijjah est donc le mois du pèlerinage. Le pèlerinage qui est un des piliers immenses parmi les 5 piliers de l'islam. Et Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse et sa miséricorde, il a fait des 10 premiers jours de ce mois des jours immenses, des jours méritoires, des jours durant lesquels les récompenses sont décuplées. Ainsi, celui qui n'accomplit pas le pèlerinage en ces jours, il peut tout de même en profiter pour se rapprocher d'Allah Azzawajal par diverses adorations. Et parmi les mérites de ces jours, min fadli hadhihi al-ayyam, أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه الكريم، والله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم، أما نحن فليس لنا أن نحلف إلا بالله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. Parmi les mérites de ces jours, le fait qu'Allah عز وجل a juré par ceci dans son noble livre. Et Allah عز وجل ne jure que par une chose immense. Quant à nous, nous ne devons jurer que par Allah Azza wa Jal. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé. Allah Azza wa Jal dit donc dans son noble livre: wal fajr wa layalin ashr, par l'aube et par les 10 nuits. Et quelles sont ces 10 nuits par lesquelles Allah Azza wa Jal a juré dans ce verset? La réponse est, comme l'a dit Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dans son tafsir, les 10 nuits, ce qui est visé par celles-ci, sont les 10 jours de Dhul-Hijjah. Comme l'a dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr, wa Mujahid, wa ghayr wahidin min as-salafi wal-khalaf, et plus d'un parmi les salafs et ceux qui sont venus après eux. Parmi les mérites de ces jours également, le fait qu'ils sont les jours al-ayyam al-ma'lumat, les jours fixés, durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le fait que l'on multiplie son évocation. Allah azza wa jal dit وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, et qu'ils invoquent le nom d'Allah en des jours fixés. Et ces jours fixés sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الأيام المعلومات أيام العشر. Les jours fixés sont les 10 jours, c'est-à-dire les 10 jours de Dhul Hijjah. Parmi les mérites de ces jours, le fait qu'ils sont les meilleurs jours de cette dunya. Les meilleurs jours auprès d'Allah Azza wa Jal sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا العشر يعني عشر ذي الحجة. Le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit les meilleurs jours de cette dunya sont les 10, c'est-à-dire les 10 jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a également dit ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. Il n'y a pas de jour plus méritoire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les 10 jours de Dhul Hijjah, que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Également, parmi les mérites de ces 10 jours de Dhul Hijjah, le fait que s'y trouve le jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul Hijjah, et également le jour du sacrifice, la fête du Eid des musulmans, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah. Et ces deux jours ont de nombreux mérites et on les évoquera inshallah par la suite. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف وهذا كله يدل على ان عشر ذي الحجه افضل من غيرها من الايام من غير استثناء. ابن رجب رحمه الله تعالى il a dit dans son livre لطائف المعارف, et tout ceci nous prouve que les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que tout autre jour. Ils sont meilleurs que tout autre jour sans aucune exception. Sans aucune exception. Et pourquoi ces jours sont meilleurs que les autres? Ibn Hajar, rahimahullah, il a dit dans Al-Fath que ce qui était apparent et que la cause qui fait que se distinguent les 10 premiers jours de Dhul Hijjah des autres jours, c'est le fait que se réunissent en eux les plus grandes adorations. Il y a dans ces jours la prière, il y a le jeûne, il y a la sadaqa et il y a le pèlerinage. Et ces adorations ne se réunissent en aucun autre jour si ce n'est durant les premiers jours de Dhul Hijjah. Wa min fada'il ayami al-ashri min Dhul Hijjah, parmi les mérites également de ces 10 jours de Dhul Hijjah, le fait que les œuvres pieuses sont plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que les œuvres que tu accomplis en d'autres jours. Fafi al-Bukhari, an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: "Ma min ayyam al-'amal as-salih fiha uhibb ila Allah 'azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Il est rapporté dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari rahimahullah. D'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. Il n'y a pas de jour durant lesquels les œuvres pieuses sont plus aimées par Allah que durant ces 10 jours. Qalu ya Rasulallah, wa la al-jihad fi sabilillah. Ils lui ont dit: ô messager d'Allah, pas même le combat sur le sentier d'Allah. Qala wala al-jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi shay. Il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam: pas même le combat sur le sentier d'Allah, sauf un homme qui sort avec ses biens et sa personne puis ne revient avec rien de cela. Wa fi hadith akhar an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah: ما من عمل أسكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. Et dans un autre hadith, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'y a pas une œuvre plus pure auprès d'Allah et plus grande en récompense qu'une œuvre de bien qui est accomplie durant les 10 jours de l'Adha, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Wa fi hadith akhar an Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل فيهن أفضل من أيام العشرة. Ibn Mas'ud, il rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit: il n'y a pas des jours durant lesquels les œuvres sont les plus méritoires que durant les 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et ce hadith est rapporté par At-Tabarani et il a été authentifié par Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. On tire donc comme bénéfice de ces différents hadiths, premièrement, la valeur importante de ces jours auprès d'Allah Azzawajal, qui sont les meilleurs jours de l'année. Et certains savants ont même dit que ces jours sont meilleurs que les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Et la parole juste à ce sujet est ce qu'a mentionné Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, qui a dit: Ayyamul ashr min dhil hijjah afdal min ayyamil ashr al-awakhir min Ramadan wa layali al-ashr al-awakhir min Ramadan afdal min layali ashr dhil hijjah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit: les jours, les 10 premiers jours de Dhul Hijjah sont meilleurs que les 10 derniers jours de Ramadan, et les 10 dernières nuits de Ramadan sont meilleures que les 10 premières nuits de Dhul Hijjah. Donc les meilleurs jours auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Malgré cela, on constate que la majorité des gens, sauf ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a fait miséricorde, ils font des efforts durant les 10 derniers jours de Ramadan, beaucoup plus qu'ils ne le font à d'autres moments. Et on ne les voit pas faire ces mêmes efforts, ou encore plus, durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Pourquoi? Parce que la plupart d'entre eux connaissent avec certitude les mérites des 10 derniers jours de Ramadan, mais ils ignorent les textes rapportés au sujet des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. C'est pour cela que l'on se doit tous de faire revivre cela, premièrement en mettant en pratique ces hadiths, en œuvrant selon ce qu'impliquent ces hadiths, en multipliant les œuvres pieuses durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et deuxièmement, en propageant parmi les gens ses mérites, en propageant des audios, en propageant des écrits, les paroles des savants à ce sujet, et avant tout, la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet des 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Également, en faisant le rappel, tu fais le rappel à ta famille, tu fais le rappel à tes proches, à tes amis, aux gens de ta mosquée, et ainsi de suite. Également, parmi les fawa'id, les bénéfices que l'on déduit de ces hadiths, le fait que se rapprocher d'Allah Azzawajal par les œuvres pieuses durant ces 10 jours est plus aimé auprès d'Allah, plus pur auprès d'Allah, plus immense en termes de récompense et plus méritoire que les œuvres pieuses accomplies dans n'importe quel autre jour. Les œuvres durant les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, comme on l'a vu dans les hadiths, elles sont plus aimées auprès d'Allah, plus pures auprès d'Allah, plus immenses en termes de récompense et plus méritoires que les œuvres pieuses que tu accomplis dans n'importe quel autre jour de l'année. Donc toutes les œuvres que tu accomplis, que ce soit le hajj, que ce soit la prière, que ce soit le jeûne, que ce soit une aumône, que ce soit la lecture du Coran, que ce soit l'évocation d'Allah Azzawajal, ou toute autre œuvre pieuse, toute œuvre est décuplée durant les premiers jours de Dhul-Hijjah. Ibn Rajab, rahimahullah ta'ala, il dit dans son livre Lataif al-Ma'arif que toute œuvre obligatoire qui est accomplie durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah est plus méritoire qu'une œuvre obligatoire accomplie en d'autres jours. Il dit donc, la prière obligatoire est décuplée durant ces jours plus qu'elle ne l'est durant les 10 derniers jours de Ramadan. Il dit, toute œuvre surérogatoire qui est accomplie durant ces 10 derniers jours, durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, est meilleure et plus méritoire qu'une œuvre surérogatoire accomplie durant d'autres jours. Tout ceci nous encourage donc, nous pousse et nous incite à multiplier les œuvres pieuses durant ces jours. Il faut que tu fasses partie de ceux qui multiplient les œuvres pieuses durant ces jours. Toi, ton épouse, tes enfants, tes proches, ta famille, tes amis, tous, nous devons multiplier les œuvres pieuses durant ces jours. On doit faire des efforts. Et on doit s'entraider dans le bien et la piété durant ces jours. Fais le rappel à tes frères. Rappelle à tes frères les mérites de ces jours. Si tu les vois négligents ou si tu observes un manquement chez eux, rappelle-leur qu'ils seront dans des jours méritoires. Rappelle-leur qu'ils sont dans des jours qu'ils sont les plus immenses et les plus aimés auprès d'Allah Azza wa Jal. Rappelle-leur les mérites de ces jours. Et que le diable ne te décourage pas et ne te détourne pas de l'adoration. Car ces jours sont très peu nombreux. Ils ne sont que 10. Ce n'est que 10 jours. Mais ils sont immenses en termes de récompense. Immenses en termes de récompense. Et ils vont passer très vite. Ne laisse donc pas s'échapper cette occasion pour te rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Car celui qui sera privé de ce bien, il a certes perdu et été privé d'un bien immense. Regarde comment étaient nos pieux prédécesseurs durant ces jours. Quelle était leur situation? Al-Qasim ibn Abi Ayyub, rahimahullah, il rapporte au sujet de Saïd ibn Jubayr et dit « Kana Saïd ibn Jubayr, idha dakhala ayyam al-ashr, ijtahada ijtihadan shadidan » حتى ما يكاد يقدر عليه. Il dit Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, lorsque venaient les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, il faisait des efforts immenses. Il faisait des efforts immenses et difficiles à tel point qu'il n'en pouvait plus, au point qu'il ne pouvait pas en faire plus. Est-ce que l'un d'entre nous a atteint ce niveau et ce rang dans le suivi des pieux prédécesseurs durant ces 10 premiers jours de Dhul-Hijjah? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le succès et la réussite dans l'accomplissement de ce qu'il aime et qu'il agrée, subhanahu wa ta'ala. Nous avons donc vu que le musulman, il lui convenait de multiplier les œuvres pieuses en ces jours. Et avant de citer un certain nombre d'œuvres légiférées en ces 10 jours, il nous convient à tous de nous rappeler qu'est-ce qu'une œuvre pieuse? Quelles sont les conditions qui doivent être réunies dans une œuvre pour qu'elle soit considérée comme pieuse? Al-amal salih huwa akhlasuhu wa aswaba. L'œuvre pieuse est celle qui est la plus sincère et la plus conforme. Et quelle est l'œuvre la plus sincère et la plus conforme? L'œuvre la plus sincère, c'est celle qui est accomplie pour Allah Azzawajal et pour nul autre que lui. Et l'œuvre la plus conforme, c'est celle qui est accomplie conformément à la sunna. La sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et cela sont les deux conditions d'acceptation des œuvres auprès d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il n'accepte de toi ni prière, ni aumône, ni jeûne, ni pèlerinage si tu ne remplis pas ces deux conditions dans tes œuvres. Que tu sois sincère envers lui et que tu accomplisses cette œuvre conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu n'es pas sincère pour Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala n'acceptera pas de toi ses œuvres, n'acceptera pas de toi tes œuvres. Comme Allah azza wa jalla le dit, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, un culte sincère. Et Allah azza wa jalla dit dans le hadith al-Qudsi, أَنَا أَغْنَى شُرَكَاءَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ مَعِي فِيهِ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَ. Je suis celui qui se passe le plus d'associés. Quiconque accomplit une œuvre en m'associant dans celle-ci, autre que moi, je le délaisse lui et son association. Je le délaisse lui et son association. Il est donc obligatoire pour nous de nous éloigner de l'association et de toute cause menant à celle-ci. Que l'association soit majeure ou mineure. L'association majeure, elle annule l'ensemble de tes œuvres. L'association majeure, elle annule l'ensemble de tes œuvres et te fait sortir de l'islam, wal'iyadu billah. Et le refuge est auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Si tu accomplis de l'association majeure, ne te profitera ni prière, ni jeûne, ni sadaqa, ni toute autre œuvre, car toutes les œuvres sont vaines pour celui qui accomplit de l'association majeure. Quant à l'association mineure, elle annule seulement l'œuvre dans laquelle elle est accomplie. À l'exemple de l'ostentation, comme le fait que l'homme accomplisse une adoration par ostentation pour les gens. Cache donc tes bonnes œuvres. Cache tes bonnes œuvres de la même manière que tu caches tes péchés et accomplis-les sincèrement pour Allah Azza wa Jal. Ceci est donc la première condition d'acceptation des œuvres. Le fait que tu sois sincère envers Allah Azza wa Jal dans ces œuvres que tu vas accomplir. La deuxième condition, nous avons donc dit que l'œuvre devait être conforme. Et qu'elle soit conforme à quoi? C'est-à-dire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fa'an ummi al-mu'minin, Aisha radiyallahu ta'ala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu, fahuwa rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. D'après la mère des croyants, Aisha radiyallahu anha, elle a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque instaure dans notre religion une chose qui n'en fait pas partie, alors cela sera rejeté. Et dans une autre version rapportée par Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Quiconque accomplit une œuvre que nous n'avons pas ordonnée verra son œuvre rejetée. On doit donc faire des efforts pour que nos œuvres soient conformes à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on se doit de s'éloigner de toute innovation. Et parmi les innovations présentes en ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, le fait de faire du dhikr en commun, le fait de faire du dhikr ou du takbir en commun dans les mosquées ou autres. Et cela fait partie des innovations. Et le dhikr en commun, c'est le fait que tout le monde, un groupe de personnes, fasse les évocations d'Allah comme le takbir en disant Allahu Akbar par exemple ou autre, en le disant tous en même temps et d'une seule voix. C'est-à-dire qu'ils commencent en même temps et terminent en même temps en étant tous synchronisés. Et ceci fait partie des innovations qui sont rejetées. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam a qal « Kullu bid'atin dhalala ». Toute innovation est égarement. Et ceci en fait partie. Et ceci en fait partie. Veille donc à ce que tes œuvres remplissent ces deux conditions. Que tu sois sincère envers Allah azza wa jal dans tes œuvres et que tu les accomplisses conformément à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ceci sont donc les deux conditions d'acceptation des œuvres auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les œuvres que l'on se doit d'accomplir durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a premièrement le fait d'être assidu dans l'accomplissement des obligations. Et parmi ces obligations, les 5 prières quotidiennes. Tu dois donc, Abdallah, être assidu dans ces 5 prières et les accomplir en leur temps et ne pas les négliger et les accomplir en commun pour les hommes et ceux à la mosquée. Allah Azza wa Jal a dit dans le hadith al-Qudsi, ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma iftaradtu 'alayhi. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus aimée que parce que je lui ai prescrit. Que parce que je lui ai prescrit. C'est-à-dire les œuvres obligatoires. Commence donc par accomplir ce qu'Allah Azzawajal t'a prescrit comme obligation. Puis fais-le suivre d'œuvres surérogatoires afin d'obtenir l'amour d'Allah Azzawajal. Car Allah Azzawajal dit dans la suite de ce hadith al-Qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Subhanallah. Les œuvres surérogatoires sont donc un moyen pour que tu obtiennes l'amour d'Allah Azza wa Jal. Tu dois donc faire des efforts durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah pour multiplier les œuvres pieuses, multiplier les œuvres surérogatoires parmi les adorations. Et les œuvres surérogatoires sont nombreuses. Il y a parmi elles les prières surérogatoires comme les rawatib, comme la prière de Dhuha, la prière de la matinée, la prière de nuit, la prière du witr et autres que celle-ci. Il y a également parmi les œuvres surérogatoires as-sadaqa, l'aumône surérogatoire, le fait de venir en aide aux musulmans qui sont dans le besoin, le fait de multiplier la lecture du Coran et d'essayer de le clôturer en ces 10 jours pour celui qui en a les capacités. Tout ceci sont des œuvres qui sont recommandées à tout moment et qui sont encore plus recommandées durant ces 10 jours, car comme on l'a vu, ce sont pour durant ces 10 jours, les œuvres sont les plus aimées auprès d'Allah, les plus pures auprès d'Allah, les plus grandes en récompense et les plus méritoires. Et parmi les œuvres spécifiquement recommandées durant ces jours, il y a premièrement le fait de jeûner durant les 9 premiers jours de Dhul Hijjah. Le fait de les jeûner est recommandé auprès des 4 grands imams, l'imam Abu Hanifa, Malik al-Shafi'i et Ahmed, ont tous vu que le jeûne durant ces 9 jours est recommandé. Et d'autres que parmi les gens de science. Jeûne donc ce que tu peux parmi ces jours. Jeûne donc tout ce que tu peux parmi ces 9 jours. Et si tu ne peux pas tous les jeûner, jeûne-en au moins une partie. Et si tu ne peux pas, jeûne au moins le 9e jour qui est le jour de Arafat. Jeûne au moins le 9e jour qui est le jour de Arafat et qui est un jour dont le jeûne a de grands mérites. Abu Qatada, radiallahu ta'ala anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé au sujet du jeûne durant le jour de Arafat. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu « Yukaffiru sanat al-madiya wal-baqiya » Il expie les péchés de l'année passée et de l'année suivante. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim rahimahullahu ta'ala. Et qui parmi nous ne souhaite pas voir ses péchés pardonnés? Qui parmi nous ne souhaite pas voir ses péchés expiés? Les péchés de 2 années. Et cela en jeûnant une journée. En jeûnant le jour de Arafat, tu verras les péchés passés, de l'année passée et de l'année suivante, pardonnés bi'idnillahi ta'ala. Son jeûne est donc recommandé, sauf pour le pèlerin, sauf celui qui accomplit le pèlerinage. Le jeûne n'est pas recommandé pour lui, car il est occupé par une adoration bien plus grande qui est le pèlerinage. Il est occupé par l'adoration du pèlerinage. Tu dois donc veiller à jeûner durant ces 9 premiers jours et à au moins jeûner ce jour-là afin que ce mérite ne t'échappe pas. Afin que ce mérite ne t'échappe pas. Cependant, il est bon de mentionner que cette année, le jour de Arafat aura lieu un vendredi ou un samedi. Et comme vous le savez tous, il est interdit de jeûner le vendredi sans l'accompagner d'un autre jour, c'est-à-dire en jeûnant avec lui le jeudi ou le samedi. Donc, si le jour de Arafat est un vendredi, nous jeûnerons alors avec lui le jeudi afin de sortir de l'interdiction. Car le samedi sera le jour du Eid et il est interdit de jeûner durant le jour du Eid, comme vous le savez. Donc si le jour de Arafat est un vendredi, nous jeûnerons le jour qui le précède afin de sortir de l'interdiction. Et si le jour de Arafat est un samedi, que doit-on faire? Comme vous le savez, il y a un hadith qui est rapporté au sujet du jeûne du samedi, interdisant le fait d'accomplir un jeûne surérogatoire le samedi. Certains savants disent alors que dans ce cas, on ne doit pas jeûner, même le jour de Arafat, et ce en se basant sur l'authenticité du hadith rapporté à ce sujet. Et c'est l'avis de Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani rahimahullah ta'ala. D'autres savants voient la faiblesse de ce hadith et disent qu'il n'y a donc pas de mal à jeûner le samedi, quel que soit le samedi. Il n'y a pas de mal à le jeûner, et encore plus si c'est le jour de Arafat. Et ceci est l'avis de Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, rahimahullah ta'ala. D'autres savants ont un avis qui est entre ces deux avis. Et ils disent que, en se basant sur l'authenticité de ce hadith, alors l'interdiction concerne le fait de jeûner le samedi seul, sans l'accompagner d'un autre jour. Dans ce cas, il est donc préférable de jeûner vendredi en plus du samedi, si le jour de Arafat est le samedi. Voilà donc comment accomplir et profiter du mérite de ce jeûne de Arafat. S'il est vendredi, on jeûnera le jeudi avec lui. On jeûnera donc le 8e et le 9e jour. Et si le jour de Arafat est le samedi, on jeûnera également le vendredi, afin de profiter de ce mérite. Parmi les œuvres spécifiquement recommandées également durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah, le fait de multiplier les vocations d'Allah Azza wa Jal, de multiplier les invocations, profites-en pour demander à Allah Azza wa Jal les biens de ce bas monde et de l'au-delà, et ce à tout moment et en tout lieu. Et spécifiquement, parmi les évocations recommandées durant ces jours, il y a le takbir. Le fait de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Ou bien de dire trois fois Allahu Akbar en commençant. Et ces formules de takbir, elles ont été rapportées des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des tabi'in, c'est-à-dire leurs disciples. Et il n'y a rien de clair et authentique rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Donc, l'affaire est large et on peut faire le takbir de n'importe quelle manière. C'est-à-dire, si tu souhaites dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tu obtiens le mérite de ceux qui multiplient le takbir durant ces jours. L'imam al-Bukhari, rahimahullah, il rapporte dans ce recueil authentique que Ibn Umar et Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhuma, sortaient au souq, sortaient au marché, durant les 10 premiers jours de Dhul-Hijjah. Pourquoi ? Yukabbiran wa yukabbiru an-nas bi takbirihima. Ils faisaient le takbir et les gens faisaient alors le takbir à l'écoute de leur takbir. En les écoutant faire, les gens alors faisaient également le takbir. Et cela ne veut pas dire qu'ils faisaient le takbir en commun. Non, tous faisaient le takbir ensemble et à voix haute, mais ils ne le faisaient pas en commun d'une seule voix. Et certains, et dans une autre version de Tha'afar, il est rapporté « La yakhrujan illa lidhalik ». Ils ne sortaient que pour cela. Ils n'avaient aucun besoin d'aller au marché, mais ils sortaient simplement pour faire le takbir et ainsi faisaient le rappel aux gens qui faisaient le takbir à l'écoute de leur takbir. Ceci est donc légiféré. En ces 10 jours de Dhul-Hijjah, d'accomplir le takbir pour les hommes, pour les femmes, pour les grands, pour les petits, tous doivent faire le takbir. On fait le takbir dans nos maisons, on fait le takbir dans les marchés, on fait le takbir dans les mosquées, tu fais le takbir lorsque tu es dans ta voiture, tu fais le takbir lorsque tu es assis, lorsque tu es debout, lorsque tu es couché, lorsque tu marches, etc. Tu fais le takbir à tout moment et en toute situation. Tu dois multiplier le takbir durant ces 10 jours de Dhul-Hijjah. À tout moment, à l'exception d'après les prières obligatoires. Après les prières obligatoires, durant les 10 premiers jours, tu n'accomplis pas le takbir. Car le takbir est de deux sortes. Le takbir, durant les jours de Dhul-Hijjah, est de deux sortes. Il y a ce qu'on appelle at-takbir al-mutlaq. Le takbir, c'est-à-dire qui n'est pas restreint par un temps, par un moment particulier. Par un moment particulier. Et ce takbir, il commence au maghreb, la veille du premier jour de Dhul-Hijjah. C'est-à-dire, le premier jour de Dhul-Hijjah sera cette année, jeudi ou vendredi. Donc tu dois commencer le takbir la veille, c'est-à-dire ou à partir du maghreb, mercredi soir, ou bien jeudi soir. Ou bien jeudi soir. Et il se termine le dernier jour des jours de Tashriq. Et les jours de Tashriq, ce sont les trois jours qui suivent la fête du Eid. C'est-à-dire, il se termine le 13 de Dhul-Hijjah. Et ce, selon l'avis authentique des gens de science, comme l'a mentionné Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Et la sunnah est de faire ce takbir à voix haute. Et de faire ce takbir à voix haute. Sauf pour les femmes qui, elles, doivent le faire à voix basse, comme l'a mentionné Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Et le takbir al-mutlaq, il n'est pas restreint par un moment particulier. Tu peux le faire à tout moment durant ces 10 jours, durant ces 13 jours. Lorsque tu es dans ta voiture, lorsque tu marches, lorsque tu es au travail, lorsque tu es à la mosquée, lorsque tu sors de la mosquée, lorsque tu te rends à la mosquée, tu multiplies le takbir, l'évocation d'Allah Azzawajal en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahil Hamd. Et tu multiplies cette formule et tu la multiplies tout au long de la journée, durant ces 13 jours. La deuxième sorte de takbir qui est légiférée durant ces jours, c'est ce que les savants appellent at-takbir al-muqayyad. At-takbir al-muqayyad, c'est-à-dire le takbir qui est restreint à un moment précis. Et ce moment précis, c'est après l'accomplissement des prières obligatoires. Après l'accomplissement des prières obligatoires. Et ce, à partir du fajr du jour de Arafah. À partir du fajr du jour de Arafah, qui est le 9e jour de Dhul-Hijjah, et ce jusqu'à la Asar du dernier jour de Tashriq. Et ce jusqu'à la Asar du dernier jour de Tashriq. Après chaque prière obligatoire, tu fais à voix haute le takbir. Tu fais le takbir à voix haute après chaque prière obligatoire. Mais tu ne dois pas le faire en commun. C'est-à-dire que tu ne le fais pas d'une seule voix avec tous les autres fidèles qui prient dans la mosquée. Mais chacun le fait à voix haute de lui-même, sans se suivre les uns les autres. Sans se suivre les uns les autres. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, a été interrogé à savoir à quel moment doit être fait ce takbir. Est-ce qu'on le fait après les évocations habituelles, les afkars habituels d'après la prière, avant ou après ces afkars? Et il a répondu, rahimahullah, qu'il n'y avait rien d'explicite rapporté à ce sujet. Il n'y avait rien d'explicite rapporté à ce sujet. Et que les savants ont dit que l'on faisait tout de suite après la prière. C'est-à-dire, tout de suite après les salutations, tu commences à faire le takbir à voix haute en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Voici donc les œuvres à accomplir durant ces jours. Et vient ensuite le jour du Eid. Le jour du Eid qui est le jour le plus immense auprès d'Allah Azzawajal. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « A'zamu l'ayyam indallahi ta'ala yawm al-nahr » Le jour le plus immense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est le jour du sacrifice. Et le jour du sacrifice. Et ce hadith, il a été authentifié par Cheikh al-Albani et Cheikh Mukbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahum Allahu ta'ala. Donc le jour du Eid est le jour le plus immense auprès d'Allah. Et durant ce jour, il y a de nombreuses adorations légiférées. Parmi ces adorations, il y a la prière du Eid et de nombreuses règles liées à celle-ci. Parmi ces adorations, il y a le sacrifice et qui fait partie des plus grandes adorations accomplies en ce jour. Le fait que tu accomplisses ce sacrifice pour Allah Azza wa Jal. Et il y a de nombreuses règles également liées au sacrifice. Et malheureusement, nous n'aurons pas le temps de les évoquer aujourd'hui. Et peut-être que nous les évoquerons au cours d'une prochaine assise bi'idhnillahi ta'ala. Pour terminer, je me rappelle à moi-même ainsi qu'à vous tous la parole d'Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Quiconque fait le bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Ne méprise donc aucune œuvre durant ces jours. Ne méprise aucune œuvre pieuse durant ces 10 jours qui vont venir et qui commencent jeudi au vendredi, bi'idhnillahi ta'ala. Ne méprise aucune œuvre aussi petite soit-elle, ne serait-ce qu'un sourire à ton frère ou une bonne parole. Tout ceci est compté comme une bonne œuvre et ces œuvres durant ces 10 jours sont, comme on l'a vu, plus aimées auprès d'Allah, plus pures auprès d'Allah, plus grandes en récompense et plus méritoires que les œuvres accomplies durant n'importe quel autre jour. Multiplie donc les œuvres et ne méprise aucun bien. Et on terminera avec la parole d'Allah Azza wa Jal. Hatta idha jaa ahadahum al-maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الله عز وجل dit dans son noble livre, selon le sens rapproché, puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit: mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Non, c'est simplement une parole qu'il dit. Et derrière eux, cependant, il y a une barrière jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Puis, quand on soufflera dans la trompe, il n'y aura plus de parenté entre eux ce jour-là, et ils ne se poseront pas de questions. Ceux dont la balance est lourde, c'est-à-dire lourde de bonnes œuvres, seront les bienheureux. Et ceux dont la balance est légère, seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement en enfer. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المفلحين ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يحفظنا من النار ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإكثار من الأعمال الصالحة في هذه الأيام. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.